Bonjour, c'est Aurélien. On se retrouve pour les chroniques d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30, sur Radio Gameozo. Donc, mon coup de cœur de cette semaine, c'est Le Jour du Chien. Il est écrit par Patrick Bowen. Donc, je précise quand même que le livre a reçu le prix Polar 2017, que l'auteur est français, il était médecin urgentiste, et que le livre est publié aux éditions Albin Michel et aux éditions du Livre de Poche, depuis pas longtemps, le deuxième. Donc je vais vous lire le résumé, déjà. Les ténèbres sont mon domaine. Le métro, ma cité, des morts. La souffrance de mes victimes, mon plaisir. Je suis le chien, inquisiteur ou guerrier saint, comme vous voudrez. Dieu est avec moi. Jen, je croyais l'avoir tuée. C'était il y a 3 ans, déchiquetée par les roues du métro. Et voilà qu'elle me menace. Je dois la retrouver avant que Kovac ne le fasse. Et ce jour-là signera l'apogée du mal. Sur les traces d'un tueur psychopathe dans un Paris souterrain plus hallucinant que l'enfer, le nouveau thriller de Patrick Bowen, l'un des maîtres du genre depuis L'œil de Cain. Donc je précise aussi un très bon livre, L'œil de Cain, un super bon thriller, franchement. Donc pour ceux qui cherchent un roman policier haletant, c'est bon, haletant. Pour ceux qui cherchent quelques détails un peu gore, c'est bon aussi. Pour ceux qui cherchent un héros qui était un peu toxicomane dans sa jeunesse et qui est revenu dans le droit chemin, c'est bon. Et enfin, pour ceux qui cherchent un livre qui, une fois que vous l'avez ouvert, vous ne pouvez plus le refermer tant que vous ne l'avez pas fini, eh ben c'est bon aussi. D'ailleurs, si toutes ces clauses sont remplies, vous pouvez le lire. Même si elles ne sont pas toutes, vous pouvez le lire. Même si aucune d'entre elles ne sont pas remplies, vous pouvez quand même le lire. Car selon moi, c'est un super livre. Donc ouais, en termes de thriller, roman policier, c'est sûrement un des meilleurs livres que j'ai jamais lus, si ce n'est le meilleur d'ailleurs. Donc voilà. Donc livre que je vous conseille très très fortement, Le Jour du Chien de Patrick Bowen. C'était Aurélien sur Radio Gameozo. À la semaine prochaine.